Exercice 7, page 68. Virlang. Deux heureux donnent 2 euros à Zorro. Deux heureux donnent 2 euros à Zorro. Deux heureux donnent 2 euros à Zorro.